beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien, T-I-T-A-N. Hein? Beaucoup de bruit pour rien, M-A-D-J-I-R. Beaucoup de bruit pour rien. Ouais. Homicide, beaucoup de bruit pour rien, ouais. Effet vertu, beaucoup de bruit pour rien, ouais. Mad killer, beaucoup de bruit pour rien, beaucoup. Ça fait ouais. tous les moyens sont bons pour faire parler de soi sans faire semblant. Dans cette vue d'ensemble, il me semble que dans cette vie, ce qui est sanglant attire les foules. L'innocence, il me semble, n'est pas un défaut. Nous sommes tous semblables, semblables. L'homme noir, fut descendant d'esclaves, il y a moins de 100 ans. Veux nous voir, fuir le territoire, c'est trop tentant. Ouais. La France, c'est pour les droits de l'homme, son représentant. Faut nous croire, de l'étranger, c'est ce qu'on entend. Beaucoup de bruit pour rien, réalité dérisoire. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici. On y voit toutes les couleurs, redis-moi quelles sont les valeurs hein, qui ont fait la soi-disant renommée du pays. Intolérance, tolérance ou tolérance zéro. Beaucoup zéro. De bruit pour les exploits de vos généraux. Contre hein, peu de bruit sur la façon dont on exploite nos frérots. J'entends parler d'histoire de Scarla. C'est beaucoup de bruit pour rien. Vite rue, par-ci par-là. Beaucoup de bruit pour ça rien. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. De rire, j'aime mieux m'esclaffer. Plutôt que de voir la vie en couleur café. J'entends parler d'histoire de Scarla. C'est beaucoup de bruit pour rien. Vite rue, par-ci par-là. Beaucoup de bruit pour ça rien. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. Si vous vivez, j'aime mieux m'éclater. J'en apprends plus de mon vécu que dans vos livres. C'est ce qu'on bruit, c'est ce qu'on bruit. Je suis pas un animal. Ma couleur sombre pour ton code pénal. Je veux me voir à l'ombre des peines au tribunal qui te rapproche de la tombe. N'étonne pas de te manger une balle dans la tempe. Baisse de placard, direction droit vers la banque. Vers la pour un business de malabar qui peut te faire braquer par un tank. Les vols sont faits par un manque d'argent. On a atteint la zone rouge, ça devient urgent. Si personne ne bouge, ça va éclater. Je te fais interpeller à cause de ta couleur, ton bête sur et ta graine de café. J'entends parler l'histoire de Scarla. C'est beaucoup de bruit pour rien. Vite rue, par-ci par-là. Beaucoup de bruit pour ça rien. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. De rire, j'aime mieux m'esclaffer. Plutôt que de voir la vie en couleur café. J'entends parler l'histoire de Scarla. C'est beaucoup de bruit pour rien. Vite rue, par-ci par-là. Beaucoup de bruit pour ça rien. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. Pour vivre, j'aime mieux m'éclater. J'en apprends plus de mon vécu que dans vos livres. Trop de bois cri, trop de bruit pour rien. Les M6 la racontent, mais nous ramènent rien de concret. Ce qu'on nous raconte n'est pas souvent ce qu'on prend. Ce qu'on voit, c'est dans ma demeure. Et pour mes rêves que je combat, afin de repousser les fausses rumeurs qui courent et qui pourraient faire que les flambeurs viennent les postes de tour. À cette heure, si on dit que les meufs sont des putes, à l'intérieur, bonne, comme à l'extérieur, en mini-jupe, mais cela ne sont des fausses rumeurs non justifiées, mal interprétées par des jeunes de mauvaise humeur. Trop de bruit inutile qui court sur la valeur et sur le style des mecs qui nous entourent. Une vie de barge, la rage dans le cœur, l'écriture retranscrit nos vécus. Vivre au-dessus des lois, tu crois avoir tout compris, t'as rien saisi. J'entends parler de toi, attends, je travaille la rime, t'inquiète. Trop de messes passent, et ceci, cela, donc impossible à laisser passer. Cesse d'hypocrisie, ton jeu à double face, mec, je t'ai crié en flag. Tes histoires de meufs sont fausses, dans le bis c'est sexe. Retrouve en zonce pour avoir volé un sac. Fuck les mythos du genre bluff, mais surtout blarf. Dans quelles circonstances tu te reconnais? Raconte-moi tes histoires sans me faire de compte. J'entends parler l'histoire de Scarla. C'est beaucoup de bruit pour rien. Vite rue, par-ci par-là. Beaucoup de bruit pour ça rien. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. De rire, j'aime mieux m'esclaffer. Plutôt que de voir la vie en couleur café. J'entends parler l'histoire de Scarla. C'est beaucoup de bruit pour rien. Vite rue, par-ci par-là. Beaucoup de bruit pour ça rien. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. Pour vivre, j'aime mieux m'éclater. J'en apprends plus de mon vécu que dans vos livres.